On va commencer par des sortes de résumés, disons, pour soit présenter les livres aux personnes qui ne les ont pas lus ou présenter la recherche de Paul, soit les remettre en tête aussi. Et tout de suite après, on va avoir des questions un peu transversales pour ouvrir le débat. Alors, par rapport au livre de Gabriel, un livre très imposant, très impressionnant, mais bon, ça c'est. On pourrait y revenir, voilà, qui circule actuellement. Qui serait sans doute très bienvenue en français également si une traduction un jour est possible, parce que c'est quelque chose. Oui? Ça y est, c'est en cours? Non, c'est pas en cours, mais si vous avez des idées. Voilà, bon, si quelqu'un veut le traduire. Voilà, exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste présenter un petit peu rapidement la structure du livre. Alors, pour ce faire, je me suis aidé de l'introduction où Gabriel, de manière très analytique, développe les arguments qui. Ben montre que les arguments qui sont développés dans la partie 1, puis dans la partie 2. Je reprends ça, hein, j'invente rien. La synthèse n'est pas de moi, c'est déjà tellement bien fait dans le livre. Alors, la partie 1, il y a deux parties dans le livre. La partie 1 s'intéresse à la question du marché de l'uranium. On pourrait dire de la marchandisation de l'uranium. Marchandisation au sens de transformation.